Vous aimez Johnny Hallyday? Ouais! Vous aimez Yvette Horner? Ouais! Vous aimez Edouard? Quoi qu'il en soit, je vais vous chanter mes hallucinations. Edouard, tu as trop de cheveux. Il tombe sur tes genoux et cache tes jolis yeux. Je lui ai dit, grand-mère, excuse-moi, veux-tu? Je ne peux pas les couper, en dessous je suis tout nu. Oh non! Edouard, pourquoi tu portes un bermuda à fruits? Je lui ai dit, c'est parce que j'ai beaucoup d'esprit. T'es comme le père Léon et tu me fends le cœur. Tu es très en retard avec ta robe à fleurs. Oh non! Ce matin, en me réveillant, je marche du pied gauche sur un disque de Léon. Je ne me suis vraiment pas du tout inquiété. Ça m'a porté bonheur pour toute la journée. Oh non! Mon meilleur ami l'autre jour à Calais allait acheter un tissu écossais. Je lui ai dit, tu ne connais pas le système, pourquoi ne pas l'écosser toi-même? Oh non! Mon ami Léon, il est un peu idiot. Il prend toutes ses blagues dans l'almanach Vermeaux. Ça n'est pas qu'il veut se faire remarquer, mais parce qu'il trouve ça beau et parce que ça lui plaît. Oh non! Un jour du mois de mai, je vais à l'Olympia. C'était Léon qui jouait de l'harmonica. Tu nous casses les oreilles, Léon. Pourquoi ne joues-tu pas de l'accordéon? Oh non! Grand-mère m'a dit, Edouard, explique-moi, veux-tu? Pourquoi de l'aspirine tu chantes les vertus? J'ai dit, entre les genoux, si tu la serres bien, c'est très efficace et ça ne risque rien!